L'énigme de la cabine 29, une aventure de John Strobbins, détective cambrioleur, par José Moselli. Chapitre 1er. Il était un peu plus de 6 heures du soir. Le grand paquebot suédois König Harald venait de lever l'ancre et ses machines à toute puissance laissaient derrière lui la rade Kirkwall, dans les îles Orkney, à l'extrême nord de l'Angleterre, où il avait dû s'arrêter, ainsi que tous les bateaux neutres, pour y faire examiner son chargement et ses papiers par le délégué de l'amirauté britannique. Tout s'était très bien passé d'ailleurs. Le König Harald ne contenait aucune marchandise portée sur les listes prohibitives, et ses passagers étaient tous munis de passeports, sauf-conduits et autres documents bien en règle. Quoique cela, les passagers semblaient contents d'en avoir fini avec les questions polies mais embarrassantes, les investigations courtoises mais minutieuses, des fonctionnaires anglais. Tranquille maintenant jusqu'à New York, qui était le port de destination du paquebot suédois, les voyageurs éparpillés sous le port et enveloppés, pour la plupart, en de légers manteaux caoutchoutés, car une légère brume voilait l'atmosphère, regardaient avec une évidente satisfaction décroître l'îlot Héda que le König Harald venait de laisser derrière lui. La mer était calme et grise. Au loin, vers l'occident, l'énorme boule rouge du soleil mordait déjà l'horizon. Bientôt ce serait la nuit. Les lampes électriques du pont s'allumèrent tout en même temps, cependant que la cloche du maître d'hôtel retentissait, appelant les passagers à dîner. Lentement, les uns après les autres, sans se hâter, les voyageurs se dirigèrent vers la descente des cabines pour revêtir leur smoking, car à bord du König Harald, l'étiquette britannique régnait, l'on dînait en habit. Peu à peu, le grand salon des premières classes, dont la cheminée monumentale en chêne fumé, s'ornait d'un immense portrait du légendaire roi Harald, patron du navire, s'emplit d'un brouhaha de conversation. Les petites tables éclairées par d'élégantes tulipes électriques, dont la clarté faisait briller l'argenterie et les cristaux, se garnirent, cependant que des remarques courtoises faites à mi-voix s'échangeaient. Le König Harald était un vrai kaléidoscope. Toutes les races humaines semblaient y être représentées. En temps de guerre, l'on recherche beaucoup les bateaux neutres. Du moins l'on recherchait, car l'illusion d'y être plus en sécurité qu'ailleurs n'a pas duré longtemps. Les sous-marins Bosch s'étant chargés d'y mettre un terme en les coulant comme les autres, et plus vite que les autres, étant donné que les risques étaient moindres. Quoi qu'il en fût, le paquebot suédois dans ce voyage emportait en plus de 4 Chinois, de 3 Siamois, d'un Libérien et d'un citoyen de la République d'Andorre, de nombreux Espagnols, Hollandais, Suédois, Norvégiens, Danois, Suisses et j'en passe. Notamment de nombreux citoyens des États-Unis, parmi lesquels le grand courtier en diamants Samuel Fite, de San Francisco, un homme valant 10 millions de dollars, et qui venait de conclure de fabuleux achats à Amsterdam. Certains affirmaient qu'il avait acquis les diamants et parures de la Kaiserin et de nombreuses princesses impériales. Au vrai, on n'en savait rien, mais ce Samuel Fite était un homme froid et réservé, et d'abord plutôt revêche. Monsieur Samuel Fite, d'ailleurs, n'était pas le seul passager de marque du König Harald. Il voisinait avec Lord Launceston Stamford, un Anglais naturalisé américain, et Don Diego de Ulloa, attaché à la légation chilienne à Berlin et qui regagnait son pays. Les dames étaient peu nombreuses. Le sexe faible ne s'aventure que rarement sur mer pendant la guerre, et il a raison, attendu que les sous-marins Bosch ne connaissent rien. Toute victime leur est bonne. La plus marquante des 15 passagères de première du paquebot suédois était, sans contredit, Miss Von Osten, envoyée spéciale du Chicago's Courier sur le front russe, et qui revenait aux États-Unis après un séjour de plus d'un an sur les champs de bataille polonais, où elle s'était distinguée par son intrépidité. Comme toujours, le capitaine Olaf Hansen, qui commandait le paquebot, avait eu fort à faire pour caser ses passagers. Il y fallait du tact. Il ne fallait aucun prix faire voisiner à table, par exemple, un Suédois et un Hollandais dont les opinions sur la guerre étaient contradictoires. Bref, un chef-d'œuvre de diplomatie avait été nécessaire. Le capitaine Olaf Hansen, aidé du commissaire du bord, y était parvenu. Nul incident ne s'était produit depuis le départ du König Harald de Stockholm. Un navire rédigé en 11 langues et placardé un peu partout, sur le pont, dans les cabines, les salons, les coursives, le fumoir, avait aidé à ce résultat. L'on y priait, messieurs les passagers, de s'abstenir de parler politique, guerre, religion, enfin de rien, de ce qui eût pu provoquer des discussions. Restait la ressource de parler du temps, de la mer, de la date probable d'arrivée à New York, du paquebot, toutes choses sur lesquelles il était facile de se mettre d'accord. De fait, pendant tout le dîner qui suivit le départ de Kirkwall, comme pendant tous les repas précédents, l'harmonie la plus complète ne cessa de régner dans le luxueux salon. La crainte que chacun nourrissait en secret d'être espionné par son voisin aida encore à cette concorde. Le café bu, passagers et passagères par groupe, se dirigèrent vers leur cabine, le temps d'y prendre un manteau pour combattre l'humidité de la nuit, et remontèrent sur le pont. Ainsi que les soirs précédents, M. Samuel Fite, un gros et grand gaillard sanguin, à large encolure, visage rasé, lèvres minces, yeux gris et aigus, menton de galoche, était allé s'installer dans le fumoir et s'y était fait apporter un verre de fine champagne. Il causait peu et n'encourageait guère la causerie. Aussi resta-t-il seul à sa table. Son verre de cognac avalé, il se plongea dans la lecture d'un épais carnet, relié de maroquins et recouvert de chiffres, qu'il portait toujours sur lui. Comme il le remettait dans sa poche, les quelques passagers assis dans le fumoir entendirent un sourd blasphème. Abandonnant pour un instant leur poker, ils levèrent la tête et virent que Samuel Fite s'était dressé brusquement et tâtait ses différentes poches avec des gestes fébriles. Sa face rouge était devenue violette, de la couleur de l'aubergine. Les lèvres minces étaient plus pincées que jamais. Dans le fumoir, le plus profond silence régna. Samuel Fite, d'un violent effort, calma la fureur qui l'oppressait. Il poussa un énorme soupir, se pencha vers le fauteuil sur lequel il était assis quelques instants auparavant, s'agenouilla sur l'épaisse moquette tapissant le fumoir, puis, sans prononcer un mot, se releva et dégringola à grandes enjambées l'escalier conduisant aux cabines. « Monsieur Fite est malade, » murmura un des joueurs de poker. « Il a plutôt l'air d'un homme qui cherche quelque chose, » remarqua son partenaire Don Diego de Ulloa, qui semblait nerveux. « Mais peu importe, je tiens $10 de plus. » Le jeu reprit, mais sans enthousiasme. Les joueurs n'y étaient plus. 5 minutes s'écoulèrent. Sur le pont promenade, des pas précipités retentirent. La porte du fumoir s'ouvrit. Le commandant du König Harald apparut, flanqué de M. Samuel Fite et du commissaire du bord. Deux garçons et le maître d'hôtel des premières classes suivaient. « Vous êtes sûr, M. Fite, que vous aviez encore votre portefeuille en entrant dans le fumoir ?» demanda le capitaine du paquebot. « Certain, monsieur. Et je m'étonne que vous m'obligiez à vous le répéter, » grommela l'Américain rudement. « D'ailleurs, vous avez pu voir qu'il ne se trouvait pas dans ma cabine, ni dans le salon. Quant au fumoir, ces gentlemen peuvent témoigner qu'ils m'ont vu, il y a quelques instants, chercher sous la table et ne rien trouver. » « Ce portefeuille était vert, dites-vous, monsieur Fite ?» insista le commissaire du bord, un petit homme mince, aux yeux abrités derrière une paire de pince-nez à monture d'or. « Vert, en maroquin écrasé, avec mes initiales en or, SF, dans l'angle. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'y prendre ma carte de visite avant-hier soir, lorsque vous me présentâtes à monsieur de Ulloa. N'est-il pas vrai, seigneur ?» Don Diego de Ulloa avait un peu pâli, sans doute, l'émotion. Ce fut d'une voix légèrement rauque qu'il répondit « Parfaitement. Je me rappelle parfaitement ce portefeuille. Il est assez volumineux et avait les angles arrondis. »« C'est cela même, » grogna Samuel Fite en hochant la tête. « Well, ce portefeuille, en plus de papiers d'affaires fort importants, contenait $11,450 en billets du trésor américain. Lorsque je suis sorti du salon, je l'avais. » Lorsque je l'ai cherché dans le fumoir, je ne l'ai plus trouvé. Il m'a donc été volé. « Oh, pas par vous, gentlemen !» rectifia l'Américain en voyant les occupants du fumoir esquisser des gestes de protestation indignés. « Vous ne m'avez pas approché, mais le fait est que mon portefeuille a disparu. » Le commandant du paquebot et le commissaire se regardèrent embarrassés. L'affaire était délicate. Si le portefeuille avait été volé, il y avait bien des chances pour qu'il ne se retrouvât point. Le voleur, en effet, jetterait l'objet par-dessus bord en se contentant de conserver les précieuses banknotes s'y trouvant. Quoi qu'il en fût, si Samuel Fite ne retrouvait pas son bien, ce serait là une bien mauvaise publicité pour la compagnie de navigation à laquelle appartenait le Koenig Harald. Nous allons faire une enquête serrée, monsieur Faith, soyez-en sûr, conclut le capitaine Hansen, et j'ai bon espoir que vous rentrerez en possession de votre portefeuille. Sur quoi, laissant là le Yankee qui frémissait de fureur, le capitaine du Koenig Harald regagna sa cabine. Sur la table d'acajou, une feuille de papier grossier, arrachée à un cahier et souillée de graisse, attira son attention. Il fronça les sourcils, saisit le papier et vit que quelques mots y avaient été tracés au crayon bleu. Il lut. « C'est le cuisinier Fritz Teublich qui a volé le portefeuille de Faith. Il est dans sa paillasse. »